C'est fou comme un balai. 89. C'est fou de la scène émergente. Assemblage Ruki et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki. Fred Fortin sera à Trois-Rivières samedi et on lui parle au téléphone. On reçoit aussi le groupe Naïve en entrevue. C'est Assemblage Ruki et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Ruki, l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut, Matt, ça va bien? Salut, bien oui. Et toi, ça va, Kiwan? Ben oui, on a un programme assez chargé aujourd'hui. On aime ça de même, nous autres, vraiment chargé en bloc. Un gros pain de plein de choses. On va recevoir Fred Fortin qui s'en vient à Trois-Rivières très bientôt, donc on va l'avoir par téléphone tout à l'heure, juste ici, dans le combiné. Là. Hein? Est-ce que tu peux le croire, ça? Je crois, sur parole. Et puis on va aussi recevoir dans quelques minutes, un peu avant, on va avoir le groupe Naïve qui sont en tournée de promotion, qui vont être de passage ici dans les studios. Oui, ils vont nous parler de leur plus récent album Arrhythmie, leur nouveau qui est sorti en octobre. Et aussi, comme d'habitude, les mercredis, ben, Sébastien Dulout va être de passage ici vers la fin de l'émission pour nous faire ses suggestions de sorties culturelles alternatives. Exact, il va parler de spectacles à venir et du Salon des métiers d'art aussi. C'est dans sa chronique, il va voir ailleurs si j'y suis. Tout ça plus de la bonne musique, comme toujours, et des commentaires savoureux et croustillants. Là, c'est pané, cette affaire-là. C'est du général Tao auditif. Hein? Non? On va commencer ça tout de suite avec le groupe Valleys et la pièce Killer Legs. Vous êtes à Assemblage Ruki. 89.1 FM. No. Bye bye bye The Plants and Animals, classique des palmarès, c'est fou. Ben, classique de la vie en général, je dirais. Bon, pas d'accord. De ta vie en général. Mais non, mais là, c'est quand même une pièce épique. It's an epic piece. D'accord. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Le plan est chargé, comme on l'a dit aujourd'hui. Plus tard dans l'émission, on va recevoir Fred Fortin par téléphone pour parler de son spectacle qui a lieu très bientôt. C'est quoi? C'est samedi, en musical. On va aussi recevoir Naïve en studio pour présenter leur album Arythmie et parler de plein d'autres choses. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans le coin de Trois-Rivières très bientôt? Kiwan, est-ce que tu sais? Demain, qu'est-ce qu'il y a? Demain, très proche de nous, tu vas dire. En fait, derrière moi, environ un mètre. Ouais, derrière toi, il y a un spectacle avec deux groupes de Trois-Rivières, deux groupes locaux, Apocalypse Nightclub et The Rum Horns. Mm-hmm. On va d'ailleurs écouter une pièce de Rum Horns dans quelques minutes. Oui. Mais juste avant ça, en fait, le spectacle, c'est ça. C'est demain, c'est à la Chasse-Galerie. Là, pour ceux qui n'avaient pas compris que c'est derrière Mathieu. Derrière Mathieu, il y a la Chasse-Galerie. C'est le bord de l'université. Le studio de Cifou est juste à côté de la Chasse-Galerie. Exactement. Ah. Donc, c'est demain soir le spectacle d'Apocalypse Nightclub et Rum Horns. Et si vous ne connaissez pas Apocalypse Nightclub, si vous avez peut-être entendu le nom, vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous rappeler ce que c'est. C'est les gagnants des Mardis de la Relève 2008. Qui ont lieu au Gambrinus. Au Gambrinus, à côté. Oui, musique rock, funk, de l'énergie. Ça va être demain soir à la Chasse-Galerie. Bon, donc tantôt, on écoutera du Rum Horns, mais avant ça, on va écouter un petit peu de Ariel avec une pièce qui va entrer dans le palmarès francophone demain. Oui, ça va être une nouveauté dans les palmarès francophones demain. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant encore, les palmarès sont dans une nouvelle formule. Donc, on a entendu un petit peu plus tôt dans la journée aujourd'hui les 20 pièces du palmarès anglophone. Et demain, jeudi, entre 13h et 15h, c'est le moment du palmarès francophone. Donc, les palmarès sont maintenant séparés. Mercredi anglo, jeudi franco, et tout ça s'est rassemblé comme d'habitude les vendredis à 17h, de 17 à 20h. Sauf que Mathieu Plante n'est pas là en direct le vendredi. Appelez-moi pas. Donc, mercredi, jeudi, ségrégation totale. Retour dans les années, je ne me rappelle plus quoi, du racisme total entre l'anglophone et le francophone. On les sépare, on veut pas qu'ils se touchent. Et le vendredi soir, tout le monde vient ensemble, c'est tout le fun, puis tout le monde est heureux. Toi, tu parles-tu en anglais le mercredi? Ouais, c'est ça. Okay. Big time tomorrow in the morning, kitchen toaster. Parfait, donc. Voici donc Ariel avec la nouvelle entrée qui va commencer à jouer demain dans les palmarès. Voici Méfie-toi, Mephisto. Assemblage requis! Au 89.1 FM. C'est fou! We'll be right back. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. No. Everybody's Freak Show de la formation Apocalypse Nightclub. On rappelle le spectacle, c'est demain soir. Oui, c'est ici à la Chasse-Galerie sur le campus. C'est avec le groupe Rum Horns. Reste avec nous parce que juste après la pause à Assemblage Requis, on reçoit la formation Naïve. En entrevue et prestations. Oh! C'est fou, 89.1. Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Pièce écho de Naïve à Assemblage Requis sur les ondes de C'est fou avec Kiwan et Mathieu. Oui, c'est le premier extrait officiel de l'album. Et tel qu'annoncé plus tôt, les gars de Naïve sont ici avec nous en studio. Salut! Hey. Salut. Salut! Bonjour! Est-ce que vous voulez vous présenter tous les trois comme ça? Avec plaisir. Moi, c'est Philippe, bassiste. Laurent, chanteur. Et Raymond, guitariste. Enchanté. Allô? Ben, allô! Salut la gang de C'est fou! Salut! Donc, vous êtes en tournée de promotion aujourd'hui. Vous êtes dans le coin de Trois-Rivières. Est-ce que vous avez une journée assez chargée aujourd'hui? Ben, jamais trop chargé, en fait. On est, en fait, une journée de promotion, mais dans une période de promotion aussi. Nous, l'album a été lancé le 20 octobre dernier, fait que on se promène pas mal. C'est bien, bien le fun d'aller se promener un peu partout au Québec. Donc, bonne journée aujourd'hui, ouais. Ah, puis c'est une belle région en plus, en tout cas, que moi j'aime beaucoup. Ah, ouais. Fait que, on a bien hâte de venir faire des shows ici. Ouais, ouais, c'est ça, parce que là, la tournée n'est pas vraiment commencée encore. Vous n'avez pas commencé les spectacles. Est-ce que vous avez hâte? Oh. Beaucoup. Ben, je pense que ça nous manque. La dernière fois qu'on a joué, c'était justement au lancement. Depuis ce temps-là, on était en tournée de promotion. C'est sûr qu'on fait des prestations comme on va faire aujourd'hui. Mais à quelque part, je pense que c'est quelque chose qui nous manque. Après tout, hein, tout se passe sur un stage, puis l'énergie qui est échangée avec le public, c'est ce qui donne le plus gros high, si on veut, là, en tant que musicien. Fait que je pense que ça nous manque beaucoup, mais toutes les dates sont en train de se signer là, avec l'équipe, toute l'équipe derrière nous autres. Là. Tout est en train de se préparer, puis l'année 2010 va être une année très forte côté performance scénique. Okay, l'album vient de sortir, mais ça fait quand même longtemps que vous jouez ensemble. Est-ce que vous pouvez peut-être faire un petit historique du groupe, comment vous vous êtes formé, puis ce qui s'est passé depuis? Ben en fait, le groupe a commencé, Laurent et moi, on s'est rencontrés en 2001. Donc, petit fait cocasse, à l'époque, Laurent jouait juste de la guitare, chantait pas, et moi, je jouais de la guitare, je jouais pas de bass. Donc, avec le temps, on a pris chacun... Moi, j'ai pris mon rôle de bassiste, Laurent a assumé le chant. Bref, on a continué en anglais. Au début, c'était en anglais. On l'a fait pendant quelques années, puis après ça, on a décidé de passer au français. En 2005, Raymond s'est joint, et c'est ça qui a fait le cœur, en fait, de Naïve. Et plus récemment, c'est-à-dire il y a 9 mois, Stéphane Gaudreau, qui est notre batteur, qui a joué avec, qui était le batteur de Noir Silence, de Projet Orange, qui a joué avec plein de monde, s'est joint à nous il y a 9 mois à peu près, ce qui fait Naïve ce que vous entendez sur l'album. Ok, vous avez changé de, vous avez passé de l'anglo au franco. Est-ce que c'est une décision vraiment que vous avez choisie ou ça s'est imposé naturellement comme ça? Ben, je pense que ça s'est imposé naturellement. En fait, c'est parce que nous. Puis peut-être Raymond veut en parler aussi, mais tu sais, on genre souvent nos influences musicales qui, de façon naturelle pour nous, nos influences musicales, surtout de la Britpop, Britrock. Puis donc, de façon naturelle, au départ, on est allé vers l'anglais parce que c'était notre porte d'entrée. Aussi, bon, ben, le temps de former justement cette cellule-là musicale, tu sais, la chimie musicale, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Donc, avant de faire le saut en français, on s'est assuré, puis on s'est questionné beaucoup aussi à savoir. On va-tu livrer la marchandise telle qu'on veut la livrer en français? Je pense que c'est un défi d'écriture qui est super beau. Écrire des textes en français, c'est... En tout cas, des textes que nous, par exemple, on allait trouver bons. Pour nous, c'est un gros défi. Ça demande du temps de la recherche. Et c'est une super belle langue, très complexe aussi. Fait que ça a été un travail. Je pense qu'on a pris la décision ensemble il y a de ça peut-être quoi, trois ans? Fin 2006. Décembre 2006, on est passé au franco. Donc, ça va bientôt faire 3 ans. C'est un défi. C'est un défi qu'on avait envie de relever. Puis c'est devenu vraiment, vraiment un plaisir, un terrain de jeu, en fait, d'écrire en français. C'est un très beau défi à chaque fois. Puis est-ce que ça vous manque un peu, les compositions anglophones? Est-ce qu'éventuellement, un jour, vous allez tenter de retourner dans ça? Ben, je pense pas que c'est dans les plans. Si ça arrive, naturellement, OK. Mais pour l'instant, on est très confortable dans ce qu'on fait maintenant. Puis anyway, c'est notre langue maternelle à nous trois. Ouais. Alors... Non, on est confortable là-dedans. Pour l'instant, on y est pour rester. OK. C'est l'important. Non, puis en même temps, quand on pense au le français, comme disait Laurent, c'est un défi qui est plus grand. À un moment donné, t'as le goût de vouloir développer quelque chose. Entre autres, pour nous, les textes sont super importants. Fait que rester en français, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'objectif. Okay. Puis je trouve ça plus stimulant, moi, d'écrire en français qu'en anglais. C'est beaucoup plus difficile, c'est facile d'être quétaine en français. Ce qu'on essaye, c'est le défi dans le fond à réaliser, c'est de ne pas tomber là-dedans. OK, puis c'est le fun en fait. Souvent, les groupes, ceux qui décident d'aller vers l'anglais, souvent c'est pour rejoindre un plus grand nombre de personnes. Vous avez décidé de rester en français, mais malgré tout, cette semaine, sur le site de iTunes, vous avez été choisi comme la découverte de la semaine. Comment ça s'est fait? Comment vous avez réussi en fait à faire avoir votre pièce écho sur iTunes? En fait, pour ça, on doit remercier toute l'équipe qui est derrière nous. Tout ce qu'on fait, nous, on essaie de faire un travail d'équipe. Et maintenant, en progressant, c'est sûr qu'on a une grosse équipe derrière nous. Il y a DEP, les distributeurs, il y a Tonic, la compagnie de relations, notre gérant, Alex, ou la compagnie disque Productions. Donc, c'est un travail de tous ces gens-là qui ont approcher iTunes. iTunes reçoit des centaines, des milliers d'offres. Et eux, ils vont filtrer, c'est à travers plusieurs étapes. Ils écoutent, ils en discutent. Et finalement, ben, on a été choisis, ce qui est très, très agréable pour nous. Très content. Très content. Donc, ça, vous pouvez downloader le single Echo gratuitement sur iTunes toute cette semaine. Ce que vous avez entendu tout à l'heure. Mm-hmm. Exactement. Ça fait seulement deux jours que c'est là, mais est-ce que vous avez déjà pu mesurer un peu l'impact là, de ça sur je sais pas, la fréquentation de votre site Internet ou... Ben, au niveau du web, c'est sûr que nous, on considère que le web, c'est une des meilleures plateformes pour rejoindre nos gens. T'sais, on fait de la musique, c'est pas juste pour dire on vend des disques ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pour rejoindre, parler aux gens. Et ce qui est l'avantage avec le web, c'est que les gens ont la possibilité de revenir vers nous rapidement. C'est sûr que dans le dernier mois, on a quadruplé, quintuplé, on est rendu avec énormément de visites. Donc, c'est pas inquiétant côté bande passante, mais pas loin. Dans le sens où, oui, ça a été... C'est sûr que c'est très, très profitable. Mm-hmm. Vous avez un suite team aussi qui vous aide, une équipe dans la rue, des gens que vous, qui vous aident, qui vous propulsent. Oui, et qui nous aident sur aussi les différentes plateformes comme MySpace et Facebook, parce que pour nous, c'est une façon rapide de garder les gens qui nous suivent au courant et aussi d'avoir un feedback direct de eux. Donc, même des journées comme aujourd'hui, le matin, on update notre Facebook, on dit on s'en va à Trois-Rivières, tout ça, et tout de suite, ah oui, vous êtes à quelle heure, quelle radio, on va vous écouter, des choses comme ça. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir un feedback. Et comme Philippe le disait aussi, c'est ça, pour Naïve, le but ultime, c'est de rejoindre le maximum de gens, puis ça se passe. Tu sais, la musique, ça se passe aujourd'hui, ça se passe dans l'iPod quand t'es assis dans l'autobus, ça se passe quand t'es en spectacle, ça c'est évident, il y a une énergie unique aussi au côté live. Ça se passe... Dans les radios, dans les médias, ça se passe dans les journaux, ça se passe beaucoup sur le web aussi, justement. Puis Naïve, Naïve a toujours été très présent sur le web dès le début, là. Fait que c'est vraiment important pour nous, c'est important d'échanger puis au quotidien le plus possible. OK, mais justement, parlant de l'aide que vos fans vous donnent, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle « Parrainer une chanson naïve ». C'est quoi au juste? Ben, parrainer une chanson naïve, c'est que faire un album aujourd'hui, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Mm-hmm. Malgré que c'est un petit peu plus facile qu'il y a 20-25 ans à cause de la technologie, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent. Ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, un peu comme le disait Raymond tantôt, le travail d'équipe est super important, puis nous autres, on a toujours su s'entourer de plein de gens. Fait qu'à un moment donné, on était en préparation l'album, mais il faut que tu trouves des sous pour le faire. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me voir, il dit « Phil, il dit, moi, je serais prêt à investir de l'argent. » Puis hop, l'idée a fait du chemin. On a parlé ensemble, puis on a dit « On essaye ça. » Et à notre grande surprise, et par pur bonheur, en 3 semaines, on avait trouvé 10 personnes qui avaient investi pour payer tout le restant là, de la production de l'album en dehors de ce que nous, on avait mis. Mais comme disait Raymond tantôt, le plus important, c'est le travail d'équipe. T'sais, on parlait de Tonic tantôt, on parlait du distributeur, de notre gérant, de notre maison de disques. Il y a aussi tous les fans, il y a les parrains, il y a Louis-Michel Guénette qui s'occupe de notre image, il y a Stéphane Dussault, bassiste des Respectables, qui a réalisé l'album. Donc, c'est tout un travail d'équipe que vous pouvez acheter maintenant à peu près un peu partout et surtout sur iTunes. Okay. Moi, j'ai une petite question de curieux. Mm-hmm. Un petit curieux. j'ai vu que quelqu'un qui vous a aidé, c'est Patrice Écuyer. Et qui n'aime pas Patrice Écuyer, évidemment. Vous avez participé au Moment de vérité. J'aimerais connaître l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé avec le Moment de vérité. En fait, oui, c'est une bonne question. En fait, nous, il y a de ça 2 ans. Maintenant, on s'était dit... Bon, Naïve arrive à un point où on a besoin d'avoir une espèce de kick-off... Ça faut se faire voir. Puis je pense que pour les artistes de la relève, que ce soit des groupes, que ce soit des artistes solo, il n'y a pas de mauvaise façon. Il n'y a pas assez de façons, en fait, qu'on peut utiliser pour se faire voir. Il y a toujours une façon de pousser plus. Puis en fait, cette émission-là, qui était le Moment de vérité, une émission Radio-Canada de variété qui n'a absolument aucun rapport avec la musique. Non, mais qui est génial quand même. Ben ouais, puis là, on s'est dit justement, OK, pourquoi pas? On va l'essayer. Puis finalement, on monte une vidéo, un dossier, on envoie ça. Et on se fait rappeler, on a un défi que... C'est, en fait, si on avait gagné, si on avait réussi ce défi-là, donc effectivement, on ne l'a pas réussi, mais si on l'avait réussi, ce qu'on se trouvait à gagner, dans le fond, c'est une collaboration avec les gars des Respectables pour la réalisation, par exemple, d'une pièce, puis bon, tout ça, diffusion un peu sur le web. Et finalement, on ne l'a pas eu, mais la preuve que chaque démarche qu'on fait dans un parcours artistique, dans le fond, c'est payant. Oui. C'est qu'on s'est ramassé 6 mois plus tard, une fois que la saison était terminée, la première saison, ben Stéphane Dussault, des Respectables, nous a contactés. Il nous a dit « Écoutez les gars, moi j'aimerais essayer quelque chose avec vous. » Évidemment, on a fait comme « Ah ouais, good! » Donc, on a monté une première pièce, qui est d'ailleurs « Couleur », qui est la première pièce de l'album « Arythmie ». Et ça a été un coup de foudre artistique, littéralement. de son côté comme du nôtre, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Puis c'est important aussi de travailler avec un réalisateur comme ça. C'est dans le fond le temps d'un album au moins, c'est cette personne-là devient un cinquième membre. C'est un peu comme notre cinquième naïve durant la production de l'album et ben c'est ça. Ça a été un coup de foudre depuis ce temps-là. On n'a jamais reculé puis on est allé chercher justement avec les parrains tout ça, le support qui nous manquait puis tous les gens qu'on a nommés tantôt qui sont notre grande équipe pour nous supporter dans la réalisation de l'album. Et c'était quoi votre défi que vous n'avez pas réussi? Est-ce que l'entrevue, es-tu fini? On va faire la performance. En fait, non, on va en parler. Il fallait danser sur un tapis de danse, une espèce de jeu In dance, the Groove, dance, One Dance, Dance Revolution, toi. Au PlayStation. Donc, wow. Ça a été 12 heures de répétition par jour. Par jour, ouais, on était en forme en tabarouette. On savait pas lequel. Le champion du monde le faisait à 92%, puis il fallait qu'on réalise 75%. Champion canadien, je sais plus. En tout cas, quelque chose de même. Les gens, là, on peut en voir sur YouTube. Ouais. Là, je pense qu'on s'est déjà vu faire ça sur YouTube, mais on en envoie des gens qui font ça chez eux. C'est des espèces de dieux de la danse ou de la claquette, ou je sais pas comment qu'on les appelle. Mais ça met un méchant beau défi, puis qu'on... On a fait ce qu'on a pu faire. Puis c'est chiant à la fin de la porte. Hein. Oh oui. C'est chiant. Ça se ferme assez vite, en plus. Ben, c'est un peu ce que Steph Dussault nous disait quand il nous a recontactés. Excusez. Ouais. La première chose qu'il nous a dit, il dit, moi, j'ai vu la porte fermée, puis j'ai dit, je peux même pas aller dire bonjour au gars. Non. Fait que là, c'est comme, ouais, puis c'est vrai, nous autres, si on est sortis de là un peu débinés, tu sais, La porte mène directement à la ruelle. Ah ouais, c'est ça plutôt qu'une rencontre, une poignée de main avec les gars des Respect, là. Mais à quelque part, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, quand je le regarde, s'il y avait eu une chanson qui était sortie, on n'était pas prêt pour backer le reste. Donc, okay. En fait, tantôt Laurent parlait, il n'y a pas de mauvaise initiative. C'est le cas, là, je veux dire, on a continué pareil, on n'a pas lâché. Puis 6 mois après, ça nous est revenu par la bande, puis c'était encore mieux parce que là, on a eu le temps de préparer vraiment là, tout un album, on a de quoi backer, on a une équipe qui est solide derrière. Donc, Naïve s'est fait connaître. Mal aussi. Pour un bien. Mm-hmm. Ouais. Et justement, parlant de ce que vous avez réalisé depuis ce temps-là, vous avez un clip qui est fraîchement fait. Qui n'est pas encore diffusé d'ailleurs? Ben, c'est-à-dire que vous pouvez le voir en grande primaire. Effectivement, il n'est pas diffusé. Pas encore, du moins, Music Plus et tout ça, c'est pas encore disponible. Toutefois, si vous allez sur notre site web, parce que tout passe par notre site web, au www.naivemusique.com, et que vous inscrivez à ce que nous, on appelle la liste d'envoi, qui est en fait nos nouvelles mensuelles, vous allez recevoir une confirmation et vous avez un lien pour aller voir en primaire écho le vidéoclip de la chanson que vous avez entendu au début. OK. Très bonne idée, ça. J'aime ça. Merci. Bonus. Je pense qu'on serait prêt pour la performance musicale, nous, si vous l'êtes, évidemment. Ben oui, avec une petite performance sur le coin de la table. Dans le fond, Stéphane, notre drummer, n'a pas pu joindre à nous aujourd'hui. D'ailleurs, le drum était difficile à traîner, donc on vous offre une version acoustique de la pièce Jeanne. Voici Naïve à Assemblage Requis. Jeanne marche dans la nuit décidée. Jeanne recherche une envie de sourire. Elle rêve d'ailleurs de changer d'identité. Les yeux pleins d'eau, elle se met à courir. Ce soir, Jeanne a envie de partir. Si elle s'envole, on la pointera du doigt. Jeanne s'accroche à son monde artificiel, son univers à elle, sa carte du ciel. Voler, vivre, mais sans tomber. La formation Naïve et la pièce Jeanne à Assemblage Requis. Merci beaucoup. C'était vraiment merci excellent. Merci à vous. C'est une version acoustique, mais en fait, en spectacle, vous êtes toujours en version électrique, c'est ça? Oui, oui, complètement. C'est un autre son. Là. Ça rock pas mal plus que ça. Mais c'est une tune qui est propice aussi à faire en acoustique. Ouais. Est-ce que c'est un format peut-être que vous pourriez adapter un jour pour des spectacles acoustiques ou... Qui sait? Pourquoi pas? Je pense que là, ce qu'on a envie de rendre dans un premier temps, c'est peut-être ce qu'on retrouve sur Arythmie directement sur l'album. Okay. Puis c'est sûr que de toute façon, l'expérience de travailler ça acoustique aussi, c'est intéressant. Ça nous pousse à travailler différemment, à approcher. Mm-hmm. Veux, veux pas, on est à trois instruments ici, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de guitare électrique, tout ça. Donc, ça nous pousse à revoir un peu la structure de la musique, simplifier certaines choses, puis à retrouver l'essentiel aussi. Donc, c'est intéressant. Belle démarche. Ouais. L'album s'appelle Arythmie, est en magasin depuis le mois d'octobre. On peut se le procurer un peu partout. Et sur iTunes, entre autres, il est vraiment pas cher en passant. Effectivement. Méchant bon deal. C'est ça. 7$. Pas cher. Parfait. Donc, en attendant, on va surveiller les dates de spectacle qu'ils vont avoir, qui vont s'ajouter, j'imagine, qui vont s'annoncer. Certainement. www.naivemusique.com. Tout est en train de se signer à l'heure actuelle. Donc, ça devrait être disponible sous peu. Mais disons que l'année 2010 va être une année sur les planches pour Naïve. Parfait. Grosse année. Non, vous êtes aussi sur Facebook, sur MySpace, sur Badaboum Badabing. On est partout. Même les places qui n'existent pas encore, vous êtes dessus. Et surtout, on est assez fous, hein, les boys. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. La formation Naïve, merci beaucoup. Donc, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Au plaisir de venir jouer et de venir vous revoir. On vous tient au courant sur les dates. Merci beaucoup. Donc, vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Nous, on se quitte quelques secondes à peine. On va revenir après. C'est à son match. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Bonsoir, Mihao, Sayonara. C'est un japonais, ça. pas de la petite charrue qui m'en troublait. Je me souvenais plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin ben vite, j'ai ramassé une paire de bas. Avait plus de boutons, des gros tétons, pis un partiel. J'ai continué de marcher dans la lumière des rayons du dolorama. J'vois bien n'importe quoi en sachant que ça servirait pas. Je me suis souvenu, nous autres on l'aimait bien. Ça y est qu'une pièce pour y poigner les seins. Ça vaut pas cher mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis tu reçois ton chèque de paye dans une enveloppe de papier chinois signé de la main de Dolorama. J'imagine que c'est très valorisant, payé à satisfaire son client. Assis-tu comme ses amis les chinois. Merci, bonsoir, il lance un roman. Mais quel bon pour cette pièce de Fred Fortin, Dolorama, qui est montée directement de la 19e position à la première en seulement 2 semaines. En fait, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière, donc bravo à lui. Donc, c'est la position numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Et Fred Fortin va être en spectacle le 28 novembre prochain, ici à Trois-Rivières, à l'Embuscade. Et il est au bout du fil présentement. Salut, Fred. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, donc cet album-là, Plastrer la lune, c'est ton troisième album studio. Ça fait quelques mois qu'il est sorti déjà. Comment ça se passe présentement avec l'album qui est sorti? Est-ce que les spectacles sont commencés? Est-ce que ça roule bien? Oui, ça roule bien. On a 6 shows de fête déjà. Puis on a bien du fun là. C'est trippant. La réaction est super, super trippante. Puis... Bonjour, je suis un improvisateur. Puis c'est ça, là, on a bien du plaisir à trimballer le show là, un peu partout. Là. Il y a une autre pièce qui a été sur les palmarès ici, c'était la toune pour Léonie. C'est une pièce qui a été écrite pour ta fille, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis, je me rappelle aussi d'une pièce, et là, je suis pas sûr là, si c'est vraiment une pièce qui avait été composée avec ton enfant à toi, mais je me rappelle d'une pièce qui s'appelait « Sakou cueillez-vous » qui avait été composée par Charlie. Est-ce ouais. que c'était aussi une collaboration familiale? Ouais. Okay, ils font partie de... Ils sont là de souvent quand on travaille ces tunes, tout ça. Fait que des fois, ils s'immiscent dans le processus, si on veut. Là. OK, donc c'est important pour toi, la famille, par rapport à la musique, tout ça? Ben, c'est une espèce de ça se croise tout le temps. Je veux dire, ça, c'est deux affaires que je peux pas... que je peux pas négliger. OK. Les gens qui te connaissent, qui connaissent depuis toujours, en fait, les auditeurs probablement de C'est fou connaissent Fred Fortin parce que ça fait longtemps qu'il roule. Mais il y a beaucoup de gens cette année qui ont découvert Fred Fortin, des gens qui n'étaient pas familiers peut-être avec ce que tu faisais, qui t'ont découvert avec la pièce, mais en fait, qui t'ont pas découvert directement, mais bon, la pièce Moisy Moissy, qui a joué pas mal partout parce qu'elle a été reprise par Star Academy. Est-ce que pour toi, ça a été une grande réflexion de choisir de donner en fait les droits pour cette pièce-là? Ou, en fait, comment ça s'est passé au juste? Quand quelqu'un reprend une pièce, il n'y a pas besoin de demander les droits à la personne. OK. C'est simplement, tu la joues, puis tu payes les droits un coup que... Puis pour moi, ben ça m'a pas dérangé, pas du tout. Puis j'attends le chèque de la Socan. Ouais, OK. Donc, c'est ça le principal attrait, finalement. Ouais, ben, en tout cas, c'est le fun aussi, parce que ça donne une visibilité là, à du stock que tu as fait, puis... C'est ça, là. OK. J'ai lu aussi que tu as été en tournée avec Thomas Fersen. Oui. Est-ce que c'était en tant que musicien où tu faisais ta musique à toi avec lui? Je l'accompagnais pour sa tournée à lui. OK. Comme musicien, puis il était dans le spectacle, je faisais une de mes tunes aussi. OK. Est-ce que ça, c'était au Québec ici? C'était en France. Ah, en France. OK, ouais, OK. France. Est-ce que ça a ouvert des portes éventuellement? Est-ce que ça se pourrait qu'on voit Fred Fortin en tournée en France? Ben, je vais sûrement aller faire un tour, là, mais c'est-à-dire exploiter vraiment là-bas, je sais pas si c'est comme... Je vais prendre ce qui se passe un peu, mais en même temps, je veux pas virer fou avec ça, parce que c'est beaucoup de travail aller là-bas pour sortir de quoi. Là, c'est vraiment un travail de longue haleine, parce que c'est beaucoup de eux autres, il faut que tu sois de, tout le temps à l'affût de promos sans arrêt. Puis je pense que le best, c'est de rester là-bas pour faire ça. Puis moi, ben, je suis moins intéressé là, à aller m'installer là-bas avec la famille, là, c'est sûr. OK, puis il n'y avait pas trop de difficultés, les Français, avec l'accent québécois du lac même? Bah là, je faisais juste une toune dans le spectacle. Okay. Je pense que ça passait quand même assez bien. Là, c'est sûr que je te dirais, par rapport à tout mon stock que je fais, ça, là, ça serait tôt, un autre paire de manches probablement. Ouais. Même au niveau du son, puis déjà d'être marginal au Québec, j'imagine que là-bas... Hein. Mais en même temps, il y a plus de monde, donc c'est tout embêtant. Il y a moyen d'aller faire de quoi, mais sans vivre fou. Moi, dans le fond, c'est juste comme le pouvoir avoir la chance de voyager avec la musique. C'est tout le temps le fun. OK. Il y a un documentaire qui a été fait sur toi, ça s'appelle La Bête volumineuse, réalisé par Antoine Laprise. Est-ce que c'est une biographie ou est-ce qu'il y a un thème particulier autour de tout ça? Qu'est-ce que c'est au juste La Bête volumineuse? Je peux pas te dire exactement, j'ai pas vu encore. OK. C'est que il a fouillé dans des archives puis il est venu filmer pendant que j'enregistrais, mais au début du procédé vraiment là, quand j'étais à mon chalet au lac. Pendant l'enregistrement de Plastrer la Lune. Ouais, c'est ça. OK. Donc ça va être diffusé sur les ondes de Radio-Canada. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça va être diffusé? Je pense que ça sera pas avant l'été prochain. Ah, OK. Ouais. Parfait. Donc en attendant, tu es en tournée un peu partout au Québec. Oui. Donc samedi le 28 novembre ici à Trois-Rivières à l'Embuscade, c'est en quelle formule tu utilises pour les spectacles? C'est en band rock, j'imagine? Ouais, c'est en band rock. On est 4 musiciens sur scène. OK. Pas mal guitare, bass, drum, that's it. OK. Parfait. Donc c'est ce samedi le 28 novembre à l'Embuscade. Fred Fortin, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Donc ça, c'était Fred Fortin avec son album Plastrer la Lune, c'est le nom. Exactement, donc il est en spectacle samedi prochain, ici à Trois-Rivières, l'Embuscade. On le remercie. D'ici là, vendredi, il va être à Saint-Hyacinthe, puis il fait un paquet d'autres villes. Allez voir fredfortin.qc.ca pour en savoir plus sur les dates de spectacle, entre autres. Nous, on va écouter un petit peu de Elliot Broad. Voici Write It All Down For You. Assez fou, 89 FM. Why would you leave it all for now? Assemblage Ruki et CIFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Tu passes tes nuits à travailler sur une formule ultra secrète qui fera de toi une vedette. Dans les médias du monde entier, les gens seront tous invités à devant toi se prosterner. Une âme en bloc Lego, c'est tout ce qu'il te faut pour cloner des robots. Maître Taekwondo. Taekwondo. Le groupe Little Girls et la pièce Youth Tunes qui ouvre leur album Concepts à Assemblage Rookies. Oui, Little Girls, c'est un groupe que Maxime nous a fait découvrir récemment. Et Maxime, il va être là demain pour sa chronique Télécharge quoi pour nous faire découvrir d'autres groupes, d'autres excellentes musiques. Oui, même que ça va être pas mal bon, sa chronique, hein, demain. Est-ce que tu as vu un petit peu les oui. sujets qu'il va aborder? Oui, oui. Est-ce que tu les as sous les yeux? Oui. The XX avec Islands, Saint Vincent avec The Strangers et Yacht avec Psychic City. Donc, les trois groupes et pièces qu'il va nous faire découvrir demain. Aujourd'hui, dans quelques minutes, dans pas trop longtemps, d'ici la fin de l'émission. Bon. On va avoir la visite de Sébastien Dulude qui va venir nous faire... Ben oui, c'est ça, tantôt, là. Juste un moment donné, là. Sébastien Dulude va être avec nous pour nous faire ses suggestions de sorties culturelles alternatives dans sa chronique. Il va voir ailleurs si j'y suis. Mais pour l'instant, on va aller en musique avec le groupe Still Life Still et la pièce Pastel. De Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Jean Style comme Jean, comme Style Jean, comme Style Jean, comme Style, comme Jean Style. Idélio. Nidilou. It's a pastel enclosed. A new life in apartments. Solar good vibration. I wanna make you feel older, so we can share our fear. With glass flowers in our dinner. Are we grenades if we're here? Tight and I loved you. I said, oh. don't believe in gold. All alone, it was strange. The closer he came, the more that I could tell that he was sad and ashamed. But he smiled as he drifted by all alone. I was far too scared to run, so I just stayed. Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. La formation de Consecos et This Girl and This Boy à Assemblage Requis avec This Boy et This Boy ici. Ouais. On est deux gars. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu, garçon numéro 1 et garçon numéro 2. Comme on les appelle affectueusement. On va faire une petite pause, mais on revient tout de suite après. Et bientôt, il va y avoir la présence de Sébastien Dulude. Restez là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Rocky en compagnie de Kiwan et Mathieu, et c'est maintenant le moment où on accueille Sébastien Dulude. Avec sa chronique sur les sorties culturelles alternatives, voici Va voir ailleurs si j'y suis. Bonjour! Salut, ça va bien? Oui. Super, et toi? Ben oui, ça va bien. Quel bon vent t'amène? Non, je... Ben, c'est le vent d'automne. Ah, et les feuilles. Et les feuilles mortes. Bien sûr, mais on parle pas de choses mortes ici, on parle de choses vivantes et... Live même. Ben oui, live. Aha. C'est surprenant, ça. Comme c'était une émission très live. Tantôt, vous avez eu les garçons de Naïve. Oui, c'est quelque chose, ça. C'est quand le spectacle, ça? Qu'est-ce qui... C'est samedi. Non, mais pas de spectacle non. Pour Naïve. C'est juste une tournée de promotion qu'ils faisaient, mais je pense qu'ils vont revenir. Là. Ils ont l'air d'avoir aimé la région. Ben, j'imagine que c'est ça, les démarches. C'est de prendre... ben, j'aime bien, moi, quand les gens viennent à la rencontre. Là, bon, c'est super, comme il expliquait avec le web. On peut vraiment créer des liens. Puis la radio aussi, on parle vraiment aux gens. Il y a quelque chose de très le fun là-dedans. On sent la différence de l'impact dans les spectacles ici quand on a senti une présence humaine. Fortin a fait ça, Fred Fortin aussi, une petite tournée média pour son spectacle de samedi. Ça, c'est pas une grande nouvelle pour personne. Tout le monde sait que Fred Fortin arrive en... Ouais, ben on l'a reçu tantôt en entrevue téléphonique. Ah bon, j'ai manqué le début de l'émission. Bon, voilà. Mais c'est ça, puis il a été... je l'ai vu un peu dans les journaux et tout et tout. Uh-huh. Une belle photo, d'après ce que je vois, ça serait quelque part dans les rayons d'Escompte, le compte. Ça, c'est dans le journal L'Hebdo. Ah ouais. Mon Fortin planté là. En il y a une pièce qui s'appelle De la Rama. Peut-être que ça s'est venu... Ouais, le concept est là. Ouais, c'est ça. Alors, ben c'est ça. Donc, il y a pas mal de musique cette semaine à Trois-Rivières. C'est heureux, il faut faire des choix. Entre autres, jeudi, il y a deux propositions complètement différentes. L'une, bon, vous avez parlé des Rumhorns et Apocalypse Nightclub. Donc, deux groupes locaux avec tout un élan. Apocalypse Nightclub avec les Mardis de la Relève cette année, ça a vraiment, vraiment fait tout un impact. Et les Rumhorns aussi qui ont fait belle figure cette année. Et puis, bon, on est habitué de les voir. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu à l'Halloween dernier des Rumhorns. J'en avais parlé un peu. Aussi impliqué souvent avec des vidéos d'un dénommé Eric Gélina qui fait des trucs assez flyés, style Morricone. T'imagines, là, la moto, la caméra est par terre, là, tu vois juste le pied, le nuage de poussière, c'est super lent. Et la musique des Rumhorns là-dessus fonctionne à merveille. Vraiment une belle tangente. J'aime bien, moi, vidéo et musique. Quelque chose qui se passe bien. D'autant que les kinos, on peut tester ce genre de trucs-là. Et puis, voilà, ça, c'est pour jeudi. Mais il y a également, du côté de l'appart au centre-ville, un autre show complètement différent au niveau de la clientèle, je dirais. C'est vraiment en complémentarité. C'est de la musique électronique dite « drone ». La musique drone, c'est des musiques qui misent essentiellement sur le battement du son, donc des fréquences qui finissent par créer des oscillations, des vibrations. Et donc, c'est de la superposition de couches sonores. Donc, c'est souvent des artistes solo qui travaillent, mais à un moment donné, on dirait qu'ils sont vraiment un orchestre entier. Et c'est le cas des deux artistes qu'on reçoit et qui aura également... Il y aurait un duo Trois-Rivières, autrement dit, et deux artistes qu'on reçoit sous deux noms différents. Le premier, c'est This Quiet Army. Donc, ça, c'est alias Eric Quash. Eric Quash est un Montréalais qui est guitariste dans différentes formations, entre autres dans Destroy All Dreamers, qui n'est pas actif dans le moment, mais c'est un groupe qui avait signé quand même un bon album assez important, même deux albums de bonne qualité dans la mouvance post-rock là, qui était très, très forte il y a, quoi, 5 ans à peu près. Là. Ça passe vite, ce genre-là. Ouais. En même temps, c'est pas le genre qui a passé, mais il y avait comme tout un engouement autour, évidemment, de Godspeed You Black Emperor, un paquet de groupes du label Constellation, Alienate Recordings aussi. Surtout du côté anglophone à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de ces groupes-là, dont Destroy All Dreamers, qui était, bon, pas complètement anglophone non plus. Il y avait même un guitariste de Québec là-dedans. Mais bref, This Quiet Army, c'est Eric Koch qui, lui, travaille à la guitare avec de nombreux effets électroniques. Et bon, c'est du travail assis à une table et on construit. On peut parler de musique ambiante, mais lourde. Donc, imaginez plutôt de la musique de film, vraiment à des moments là, de lourdeur là, ou des moments plutôt méditatifs où l'intérêt est focusé justement sur l'image. C'est plus la musique qu'on écoute... peut-être les yeux fermés, hein, quelque part. Il n'y a pas un spectacle visuel si fort que ça. Quoique, il y a toujours des gens pour se trouver très intéressés par la mécanique de la chose, les effets, les pédales, qu'est-ce qui sont utilisés. Donc, ça, c'est toujours possible. Et l'autre invité s'appelle Animal Hospital. Animal Hospital, en fait, c'est le nom de scène de ce Bostonais qui est lui aussi sur une lignée mondiale, là, vraiment. Normalement, le spectacle devait accueillir aussi Aiden Baker. Donc, ces trois-là font des tournées un peu partout en Europe. Et aux États-Unis, au Canada, anglais également. Donc, on les intercepte à Trois-Rivières. C'est le HIC qui a réussi à mettre la main dessus, en fait, de se coordonner avec eux et fournir ce spectacle-là. Et le duo de Trois-Rivières, c'est une rentrée, c'est une primeur. C'est Corvette, formé de Pierre Brouillette-Amelin et Sébastien Dulude. Et ça, Corvette, ça émane d'une discussion au coin d'une table au Nord-Ouest Café. Et... le nom était tellement bon qu'on a dit, ben là, il faut faire un spectacle avec ce nom-là. Alors, c'est Corvette avec un K. Comme les magasins. Comme, mm-hmm. Et qui ont essayé à Trois-Rivières, mais pas encore de magasins, je comprends toujours pas. Ouais, mais il y en a un, ça arrive sud, là, j'ai entendu ça tantôt à un autre poste. Mais ils ont un groupe, par contre. Ils ont pas de magasin à Trois-Rivières, mais ils ont un duo qui. Il y a le groupe. Alors on attend avec plaisir la poursuite judiciaire. Ouais, c'est ça. Il faudrait vraiment que vous fassiez un spectacle avec des instruments qu'on peut acheter chez Corvette ou dans des magasins similaires, des instruments pour enfants. C'est un projet de. Oui, on pourrait appeler ça de la subversion. Oui, la crécelle, toi. Les petits exact. Faudrait encore que je mette les pieds chez Corvette un jour, ouais. Mais bon, Tigre géant était excellent, c'est oui. Peut-être moins international. Nous, Giant Tiger, évidemment. Ouais. Mais ce qu'on vise, évidemment, c'est... Non, Giant Tiger, c'est moins bon. C'est comme deux noms d'équipe de baseball puis de football. Moi, Antisport. Alors, voilà, Corvette vont ouvrir le spectacle. Ils sont vraiment dans une esthétique purement drone, donc des vibrations, usage de sampling aussi. Donc, c'est basse et effet et électronique de l'autre côté. Donc, ça promet. C'est aussi une expérience sonore. Donc, on va vraiment pousser cette soirée-là, le système de son de l'appart dans ses plus grandes capacités. Il y a vraiment une largeur de son possible à cet endroit-là. La salle est large également. Donc, pour les basses vibrations, c'est fameux. Ça, c'est le genre de spectacle, vraiment, tu t'assois confortablement, prends une bière, puis on se laisse aller là-dedans. Donc, c'est généralement de la musique instrumentale. Est-ce qu'il y aura de la projection vidéo aussi pendant le spectacle? Pas pour cette fois-ci. Ça aurait été possible. Ça aurait certainement été possible parce que l'appart est équipé pour ça. Mais dans ce cas-ci, aucun des groupes qui en ont manifesté de besoin. Il y a des pour et des contre aussi. Je parlais tantôt vidéo et musique. Ce qui est le fun, c'est de la musique dans les films. Des films par-dessus des spectacles. Des fois, ça ajoute un petit caractère un peu... je sais pas. Moi, je me perds un peu, mais je suis pas un grand fan du visuel. Hein. C'est un peu bizarre ce que je vous ai dit tantôt. Mais justement, j'aime bien sentir l'arrivée de la musique dans la vidéo. L'inverse, pour moi, c'est un peu plus de la déco. Enfin, moi, dans les projets dans lesquels je suis impliqué, c'est très rare que j'en fais. Mais en même temps, il y a des gens, je pense à Mathieu Moras, entre autres, qui faisaient des trucs assez spéciaux live. Donc, de filmer le groupe, de reprojeter ça avec des images traitées. Donc là, ça ajoute comme une dimension autoréférentielle au spectacle. Ça, c'est intéressant. Mais pas dans ce cas-ci, jeudi prochain. Donc ça, c'est à l'appart. Ça coûte presque rien. 4$, c'est à 21h. Et le lendemain, toujours à l'appart, une autre présentation du HIC. Là, on est plutôt dans le rock garage et ludique. On peut peut-être entendre, avant que j'en parle, une pièce du groupe principal qui sera là ce soir-là, Pédo, Pedro et ses enfants. Ah, une petite vite, rappe-moi, c'est une reprise infâme et sans aucun droit d'auteur payé de Nirvana, évidemment, Rape Me. Pedro et ses enfants, ça c'est un quatuor montréalais, ils ont, ça tourne autour de Fianchiste Yachins, qui est le gros guitariste souvent déguisé en, il est comme les culottes de Youpi, là, orange poilu, et lui il trafique beaucoup d'instruments pour enfants, et on trafique et enfants dans la même phrase, pas super, d'autant que le groupe s'appelle Pedro, mais autour de cette déconstruction complètement là du son, mais en même temps une puissance sonore hallucinante, il s'est joint un dénommé Vincent qui est le Pedro, là, il y a tout un personnage, et à partir de là ils sont partis. Ça part aussi du label de Francis, le Fianchiste. C'est un Francis qui s'appelle Pas Vendable Records. Et à l'époque, ils avaient sorti une compilation qui s'appelait C'est pas vendable. Pimp. Pourquoi ça s'appelait Pimp, donc? Pas Vendable. Il me semblait que c'était PYMP. Et puis ça, cette compilation-là, il y avait comme 85 tonnes. Même pas lo-fi. Là. Il faudrait trouver un synonyme bien plus dépréciatif que low. Là. No-fi. Là. Puis c'était imprimé sur... tu savais, dans les caisses de 24, on peut sortir des espèces de quadrillés en carton. Bon, quand on plie ça, ça peut faire une espèce de pochette de disque. Parce que je ne sais pas combien de caisses de 24 ils ont ramassé. Ils ont imprimé la compile là-dessus. Le CD était glissé là-dedans. Et c'est vraiment pas écoutable. Mais ça, c'était les débuts de Pedro. Là, vraiment enregistré avec un tape à cassette. Là, c'était vraiment quelque chose. Et ils sont venus à Trois-Rivières assez souvent. On en parlait pendant que la pièce jouait au FIMU. On les avait repérés il y a un bon bout de temps déjà. Ils ont fait au moins 3 spectacles au FIMU. Une fois, ils sont venus, ils sont repartis. Donc, ça fait aussi partie de la légende. Ah oui, ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas resté. Non. Et puis, une fois au Charlot aussi, je me souviens que c'était venu au Charlot avec Le Monde dans le feu. Oui. Ouais, c'était pas mal ça. Et puis, ben, c'est ça que j'ai trouvé super sympathique. Ils sont vraiment, vraiment brillants, ces gars-là, mais ils font tout ce qu'il faut pas, là. Mais vraiment tout ce qu'il faut pas dire, tout ce qu'il faut pas faire. Et c'est super contrôlé, là. Ils sont arrivés à un point où le spectacle est complètement pas rodé, parce qu'à chaque fois, c'est différent, mais c'est pas des amateurs. Ils sont vraiment capables. J'aime souligner aussi l'apparition Clem Magazine, Clem comme Clémentine, où c'est une espèce de magazine pour adolescentes. Signé Pedro, là, et son équipe éditoriale qui est comme lui-même. C'est tout fait avec Paint. On voit un peu sur leur MySpace le genre de petits dessins très pixelisés. Et puis, le Clem Magazine, c'est horrible. C'est horrible ce qu'il donne comme conseil aux adolescentes, mais c'est cynique à fond. Là. Et puis là, tu as des témoignages de filles qui vont à New York faire du shopping, mais c'est pire que ça. Là. Je dis absolument rien. Là. Mais c'est horrible, horrible, horrible. Et en même temps, c'est super bien fait. Le pastiche des revues adolescentes est superbe. Donc ça, c'est une des bonnes raisons d'aller voir Pedro en show. C'est demander à Vincent, t'as-tu des clèmes? T'as-tu des clèmes? Et puis, ensuite de ça, il y a aussi Brun Citron, cette soirée-là, qui commence à faire bonne figure aussi. Moi, j'aime moins ça, le côté chansonnier trash. Mais il y a quelque chose quand même. Il y a une présence, il y a un charisme. Le gars est comme immense. Puis... Il rentre. Et il joue au ukulélé, d'ailleurs. Ukulélé? Yokono, ouais. Que je l'appelle. C'est du Yoku Core qu'ils font. Du... OK. Ben, c'est écrit ça sur leur MySpace. Et puis, il y a également le duo de Trois-Rivières, Les Enfants Teflon. Ça, c'est Pierre Brouillet-Tamelin et Louis-Philippe Turcotte qui font une espèce de post-rock, mais plus sale, là, vraiment plus sale. Mais quand même, une belle esthétique, une bonne lenteur. Puis à un moment donné, ça devient bruyant, très saturé, bien contrôlé. Les Enfants Teflon, c'est un des projets les plus intéressants, en parallèle à J'ai le cancer. Et ça se lave bien? Oui, parce qu'il n'y a rien qui colle. Hein, c'est ça. Ben, les Enfants Teflon-là, pas moyen de leur foutre une baffe. Oup. Bon, tout ça, évidemment, c'est cautionné par Pedro, ce que je viens de dire là, sur la violence faite aux enfants. Et ça, c'est vendredi soir, donc c'est à 20h et ça coûte seulement 5$. C'est une contribution suggérée, sinon on vous casse la gueule, c'est tout. Et puis, à l'appart, vendredi le 27 novembre. Rien d'autre à rajouter sur ces deux shows-là. Sinon, samedi, il y a Fred Fortin à l'Embuscade. Ça, c'est 20 gros $, mais ça vaut la peine. C'est pas le même genre d'artiste non plus. Évidemment qu'il y a toute une infrastructure à soutenir là-dedans. Puis Fortin, on peut parler de quelqu'un quand même assez ouvert. Là. Il s'était prononcé pour le téléchargement, entre autres... c'est quand même quelqu'un qui vaut la peine d'aller voir. Et je l'ai déjà vu, Fortin, deux fois à Trois-Rivières. Et une fois au Gambrinus, seul, homme orchestre. Et là, il y avait seulement deux albums plus Gros Méné de sortie. Ça, c'était spectaculaire. Et Olivier Langevin était là dans la salle. Il avait préparé une petite surprise où il embarquait sur la guitare pour 2-3 pièces. Waouh, quel grand moment. Le meilleur show que j'ai vu au Gambrinus de ma vie. Bon, en tout cas, depuis que j'ai 11 ans, là. Parce que j'ai l'âge de sortir Grand Vénus. Mm-hmm. Ça fait longtemps c'est qu'il avait fait ça, cette tournée-là. Ah, ça fait 6-7 ans, ça. Ouais, c'est ça. J'avais vu ça aussi, là, Fred Fortin en homme orchestre. Là, ah oui. C'est très spectaculaire. Famer. Ben, c'était ça l'esthétique des deux premiers albums, là, surtout le premier, là, vraiment. La première fois que j'ai vu Fred Fortin, c'était à Le plaisir croit avec l'usage à Télé-Québec. C'était juste une espèce d'émission où tu gâtes un artiste. Et là, c'était Dédé Fortin. Et Dédé Fortin avait confié qu'il aimait beaucoup un petit nouveau du lac de Saint-Prime qui s'appelait Fred Fortin. Aucun lien de parenté, d'ailleurs. Et Fred Fortin est arrivé là, et avec son bass drum, son hi-hat, la guitare, l'harmonica, il avait chanté la toune justement qui dénonce la violence conjugale sur son premier album, je me souviens plus. Et moi, depuis ce temps-là, c'est tout ce qui sort Fred Fortin en simultané. Ça s'en va dans mon système de son. Donc voilà pour les spectacles. Et autre activité, on change complètement de registre. C'est le début ce jeudi du Salon des métiers d'art, édition 2009. Ça revient à chaque année depuis un bon nombre d'années. Et c'est un regroupement de métiers d'art à Mauricie qui se sont constitués. Donc c'est de mieux en mieux organisé, à savoir, il y a des activités comme à l'année, c'est le regroupement a d'autres activités que le salon. Mais évidemment que c'est le moment fort de l'année, le Salon des métiers d'art. Ça se passe à la Maison de la culture de Trois-Rivières, donc autour de la bibliothèque sur la place centrale, là, au Parc Champlain. Et c'est dans toutes sortes de lieux de la Maison de la culture, c'est comme l'année passée, là, une fois allé dans toutes sortes de salles, c'est assez intéressant parce que justement, c'est pas juste une espèce de grande salle avec plein de kiosques, mais il y a moyen de circuler là-dedans et aussi de discuter avec les artisans. Donc, c'est beaucoup des bijoux, un peu d'art décoratif, un peu de peinture, mais ce qui est plus intéressant, c'est vraiment, à mon avis, ce qui est création, bijoux, vêtements, ça, il y en a de très bonne qualité, belle qualité, mais je parle aussi artistiquement, il y a de la céramique aussi. Des trucs, je vois bois et stylo, on verra, ferronnerie d'art, du verre, ouais, beaucoup de verre, des poupées, des choses comme ça. C'est sûr qu'on n'y échappe pas. Métier d'art, artisanat, il y a des trucs de madame, de grand-mère, ça on n'y échappe pas. Des choses de qualité quand même là-dedans, mais il y a aussi, drôle à dire, mais une certaine émergence qui pousse à travers tout ça, qui n'est pas là pour briser rien, là, pour enlever la place aux autres, mais proposer des trucs un peu plus jeunes. Et c'est particulièrement au niveau des vêtements que je retrouve des choses intéressantes. Je pense entre autres à, et là, laissez-moi retrouver son nom, Caroline Trépanier. Au design de vêtements qui fait des choses extraordinaires et qui était là l'année passée, qui sera là cette année aussi au niveau vêtements. Et aussi, c'est l'occasion de prendre contact avec ces gens-là, puis des fois de revenir plus tard dans l'année. Et bon, j'ai bien aimé ce genre de linge-là. Peut faire des choses sur mesure, évidemment. Bon, donc il y a du bon comme du moins bon, mais aussi, évidemment, c'est assez simple. Pourquoi c'est fin novembre, début décembre, c'est dans des métiers d'art, c'est que c'est une excellente façon de trouver des cadeaux de Noël à toutes sortes de prix. Ben oui. Donc, je le recommande. C'est pas une activité qui est rocambolesque, mais franchement, vous allez être surpris de ce que vous allez trouver là. Donc ça commence ce jeudi, le 26, soir seulement. Et ensuite, c'est ouvert du matin jusqu'au soir, les vendredis, samedis et dimanche prochain. Donc, ça se termine dimanche à 17h. Mais c'est ouvert vendredi et samedi jusqu'à 21h. Ça laisse beaucoup de temps quand même. Oui. Et c'est très métier d'art. Très haut, très là. C'est encore, non, parce que je viens de voir sur la fiche, il y a encore le très. On va vraiment aller tirer jusqu'au 31 décembre. Vraiment? Très longtemps. Très longtemps. Voilà en ce qui me concerne. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Ça me fait plaisir. C'était. Le jeu de mots est un petit peu passé date parce qu'on parlait de Fred Fortin beaucoup plus tôt, mais sa chronique était forte, hein? Fortin. J'aurais dû la faire tantôt. Ouais. Tu essaieras de ne plus la refaire, en fait. C'était très mauvais. Sans commentaire. Juste à des jeux de mots avec pédo, mais on va laisser faire. Ouais, ben ça, c'est ça. On va passer notre tour là-dessus. Ça serait pas drôle. Incroyable. Je positionne un petit peu. Bon, donc, Sébastien Dulude avec sa chronique va voir ailleurs si j'y suis sur les sorties culturelles alternatives. On te retrouve la semaine prochaine, mercredi, vers la fin. Oui, sans faute. Merci encore. Merci. Kiwan. Oui. On est à l'assemblage requis, toi et moi. Ben oui. Kiwan et Mathieu, deux petits points. Assemblage requis jusqu'à 17h. Il nous reste une dizaine de minutes à peine. On va retourner en musique tout de suite. Oui, on va aller écouter Winter Gloves avec un extrait de leur album About a Girl. On va écouter la pièce Hillside. Assemblage requis. C'est fou. Of mail. Assemblage Ruquis et CIFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Plagiat avec la pièce Domi Plagiat, qui est le groupe de Patrick Plot, en fait, le chanteur de Plagiat et Patrick Plot, qui était de passage d'ailleurs à Trois-Rivières, pas très longtemps ici, là, le fameux jeudi où il y avait un paquet de spectacles, là, c'était comme le 5 novembre, il était ici au Zénob. Et puis Patrick Plot aussi vient de réaliser un nouveau clip pour son album solo, Hype Moi. C'est pour la pièce Bocalophobe. C'est un beau clip, vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur son MySpace à Patrick Plot. Bon. C'est la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. On se quitte encore une fois. Sur nos ondes ce soir, à partir de 18h, il y a l'émission d'électronique de... Comment qu'on appelle ça? Caroline, ça c'était pas fort de ma part de pas me renseigner avant. Comment t'appellerais ça, cette musique-là? Plutôt du post-rock, musique instrumentale. Instrumentale, c'est ça. Je cherchais comme mot. Ensuite, à Rap 101 à 19h et puis Volteface à 21h. Celle-là, je les connais parce qu'on a depuis plus longtemps que quelques semaines à peine. Donc ça, c'est votre horaire ce soir sur les ondes de C'est Fou. Demain matin, il y a évidemment la pilule du lendemain avec Marc et Sylvain et le dîner de con avec Dany et André. Donc ça, c'est à 7h et à 11h demain matin. Et nous, on est de retour à 15h demain. On reçoit entre autres Maxime qui vient nous faire sa chronique. Télécharge quoi demain? Soyez-y. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Bye, Kiwan. Vous toujours une fin douteuse, il me semble. On dirait que fin douteuse. Non, on se quitte avec la musique de Naïf. Oui, c'est vrai, Naïf qui était avec nous tantôt. Donc on les écoute avec la pièce Arythmie. Et là, c'est vrai qu'on s'en va pas. C'est ridicule, ça, quand même. Ça. On aurait pu se permettre à place, tu sais, juste pas reparler puis juste la passer, la pièce, mais ça aurait été comme bizarre un peu. Surfer sur l'erreur. Surfer sur l'erreur, c'est ça. C'est comme mettre vraiment l'accent et l'entourer et le souligner avec un crayon rouge et un crayon un souligneur. Est-ce qu'on on peut dire un souligneur, je pense, en français? Oui, d'un highlighter. Hein? Ça devient comme un concours à maintenant. De combien de temps est-ce qu'on peut réussir à surfer sur l'erreur? Uh-huh. Voilà. Ben, y a pas rien, je pense, après là. Personne nous attend. Donc, as-tu quelque chose après, toi, Mathieu? Non, ça pourrait être Assemblage requis, présente le vide. L'erreur. Ouais. Peut-être la session prochaine avec les émissions de chasse et pêche. Hein? Ça va. Là, c'est fini. C'est pas fini dans ma tête, par contre. Le souvenir reste. Faut jamais croire Mathieu quand il dit que c'est fini. C'est jamais vrai. Jamais vrai.